Bonjour à l'écoute du journal Sans Papier sur Radio Panique 105.4, Radio Air Libre 87.7 ou Radio Campus 107.2. Pour sa 14e édition, le journal Sans Papier vous propose d'écouter un entretien avec Bernard Clairfailly, qui est le bourgmestre de Schaerbeek, membre du Front démocratique des francophones, composante du MR, député fédéral depuis peu et qui était député régional depuis une quinzaine d'années. Mais avant d'écouter cet entretien enregistré le 9 juillet 2007, quelques informations en provenance du 91 rue Royale. Le bâtiment du 91 rue Royale est occupé, comme vous le savez peut-être, depuis le 15 décembre par 60 puis 150 personnes. 150 personnes qui ont décidé, il y a maintenant près de 40 jours, d'entamer une grève de la faim pour demander leur régularisation auprès de l'Office des étrangers. En l'absence de réponse du gouvernement et de cet office, les grévistes proposent à toute personne ou tout collectif désireux de les soutenir, de les rejoindre pour une marche qui partira samedi 9 février 2008, à 15h, de la colonne du Congrès aux soldats inconnus. Cette marche prendra la direction de l'Office des étrangers et elle aura pour but de porter les dossiers de régularisation pour mettre l'administration face à ses responsabilités. Faut-il rappeler que ces 150 sans-papiers ne luttent évidemment pas seulement pour leur propre intérêt, mais aussi pour la cause des 150 000 sans-papiers qu'on peut estimer résider sur le territoire belge. Cette occupation qui est située entre cette colonne aux soldats inconnus, la cité administrative, et qui voisine du carrefour formation Actiris, c'est-à-dire l'ex-Orbem, dit bien les enjeux politiques, économiques et moraux de cette question de la régularisation, sur laquelle nous étions donc allés interroger Bernard Clairfailly en juillet dernier, Tamara et moi. Pourriez-vous nous donner quelques grandes lignes du projet du mouvement réformateur en ce qui concerne la politique d'immigration ? Alors, en matière d'immigration, nous souhaitons que l'on réfléchisse un peu autrement à notre politique d'immigration que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une forme d'hypocrisie qui est de dire que l'immigration est interrompue. Alors, elle l'est formellement depuis 1974, mais il y a néanmoins un grand nombre de personnes qui continuent à venir vivre en Belgique, soit par toutes les formes d'exception qui existent au stop à l'immigration. Alors, une des exceptions, c'est le regroupement familial, qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais on sait que comme c'est maintenant une exception, il donne lieu aussi à certains trafics. Et on sait qu'il y a une série de mariages qui ne sont pas toujours mus par le seul désir des deux personnes de former un couple, mais par là d'obtenir pour l'un d'entre eux droit au séjour, et donc avec des situations qui amènent parfois aussi à des difficultés pour les personnes qui sont là-dedans. Ou des jeunes femmes qui se font, je dirais, un peu abuser par quelqu'un qui leur promet monts et merveilles, et puis 2-3 ans après, se trouvent seules avec un ou deux gosses. Mariage a néanmoins été consommé, mais se trouvent seules avec un ou deux gosses et quelqu'un qui ne l'a pas épousé, cette jeune fille, pour elle-même, mais plutôt pour l'accès au territoire que donnait ce mariage. Il y a aussi la fameuse exception qui est l'article 9, paragraphe 3, et je suis en tant que bourgmestre bien placé pour le savoir, puisque chaque semaine je signe, je ne les compte pas, mais je signe des dizaines de demandes d'article 9, paragraphe 3, qui en fait est une exception à l'exception de la loi. Donc c'est le seul petit canal par lequel on peut rentrer encore en Belgique. Et comme c'est le seul canal, évidemment, on y trouve un peu tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui rentrent tout à fait dans le cadre de l'article 9, paragraphe 3, à savoir qu'ils peuvent démontrer qu'ils ont des liens importants avec la Belgique, et qui, à l'appui de leur dossier, mettent des documents qui... Je ne lis pas les dossiers moi-même, mais de temps en temps, c'est vrai qu'il m'arrive de regarder un dossier, des éléments qui ont l'air sérieux et qui méritent un examen. Il y a d'autres dossiers, parfois qui sont

Vous êtes invité à les rejoindre samedi 9 février 2008, ce samedi à 15h, autour de la colonne du congrès aux soldats inconnus, qui est juste à côté du 91, pour marcher dans direction de l'Office des étrangers et y porter les dossiers de régularisation. Ce mercredi, c'est-à-dire demain à 19h, est d'ailleurs organisée une réunion de préparation de cette manifestation du samedi, cette réunion à laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous rendre. Voilà, c'était le journal sans papier, le numéro 14, que vous écoutiez sur Radio Panique en stream, ou alors sur le 105.4, ou encore sur Radio Campus 107.2 ou Radio Air Libre 87.7. Le journal sans papier qui était hebdomadaire devient mensuel. Cette édition numéro 14, vous pourrez l'écouter donc tous les mardis soirs à 19h sur Radio Panique pendant tout ce mois de février. Et rendez-vous pour une prochaine édition en mars. À bientôt. Thank you. papier, papier, papier, tout, tout.